Voilà, bien-aimés, nous sommes entrés dans le carême et tout de suite le Seigneur met les perspectives. Vous voyez, il nous place dans les perspectives. Alors vous avez entendu cette partie du livre du Deutéronome que nous connaissons bien, que vous avez déjà entendu 1000 fois, qui est, disons, l'essence du texte du Deutéronome, du livre du Deutéronome. Vous avez entendu cette injonction du Seigneur. Vois, je mets devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Et donc ce que Dieu nous demande, c'est de choisir la vie pour le bonheur. Hein, il nous le demande. Choisis la vie. Tu peux choisir ce que tu veux, mais je te le demande, choisis la vie. Et en quoi consiste la vie? Eh bien, c'est d'observer, d'aimer le Seigneur ton Dieu, et de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, ses ordonnances. Et voilà pourquoi Dieu nous demande de choisir cette vie, parce que ce n'est pas évident tout ça. Il faut le choisir. Il faut faire un choix. Soit nous faisons nos volontés, nous marchons sur nos chemins à nous, nous essayons de garder nos commandements, nos propres décrets, très humains, qui sont le fruit de nos désirs passagers. Soit nous choisissons ça, et alors nous sommes sur le chemin de la mort, ce que nous dit Jésus, ce que nous dit Dieu. Si nous faisons ça, nous sommes sur le chemin de la mort, nous allons nous planter dans la mort. Notre vie va s'enfermer sur elle-même, et donc elle va s'autodétruire. Soit nous choisissons de marcher dans les chemins de Dieu, de suivre ses commandements à lui, ses décrets, ses ordonnances, et surtout de l'aimer de tout notre cœur, au lieu de nous aimer nous-mêmes. Alors, voilà quel est le plan de Dieu, ce qu'il nous demande, et ce que Jésus vient nous rappeler en ce début de carême. Vous voyez, il est avec ses disciples, et il est en train de marcher avec eux. Tout à coup, il s'arrête, et il commence à leur parler, en leur disant, voilà, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, il faut qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, afin qu'il ressuscite le troisième jour. Ne regardons pas trop ce qui se passe sur le côté, parce que ça nous déconcentre, bien sûr, mais essayons de nous concentrer sur Jésus qui meurt pour nous aujourd'hui. Et il dit à ses frères et sœurs, qui sont avec lui, à ses disciples, il leur dit, voilà, celui qui veut marcher à sa suite, il faut qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il renonce à lui-même. Voyez, dans le livre du Deutéronome, le Seigneur nous demandait de choisir les chemins de Dieu. Jésus, lui, va plus loin et nous dit « renoncez à vous-même ». Voilà en quoi consiste pour nous, dans le temps du carême, le choix du chemin de Dieu, c'est de renoncer à nous-mêmes. Et ça va aller chercher très loin, voyez, prendre sa croix chaque jour, c'est-à-dire accepter d'endurer quelques souffrances, les souffrances que le Seigneur nous présente, pour marcher à la suite du Seigneur. Voyez, choisir la vie, ça revient à renoncer à soi-même. Renoncer à faire sa propre vie soi-même. Renoncer à gagner le monde entier pour pouvoir rester dans la vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, c'est-à-dire pour marcher dans mes chemins, pour suivre ma voie, celui-là, eh bien, la sauvera. Celui qui acceptera de mourir, eh bien, il ressuscitera avec moi. Alors voilà notre chemin de carême. Renoncer par mille et une manières à nos petits désirs personnels, à notre volonté propre, à notre petit plaisir, à nos petits bonheurs à nous, pour pouvoir entrer dans un bonheur beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. Vous comprenez toute la profondeur qu'il y a derrière ces demandes du Seigneur. Il faut rentrer dans une profondeur. C'est ce qui manque profondément à notre monde. Notre monde manque profondément de profondeur. Et il faut que nous la retrouvions. Voir plus loin que la croix, voir la résurrection qu'il y a derrière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.